Mais c'est qui là? C'est Marco. C'est Brelica. Moitié arménienne, italienne, fier de l'être. Dans ton rap, je m'incruste et je m'invite sans faire de l'aide. Je me suis mis en mode compo, un featuring pour Marco, un featuring de Parjo. Tu peux te dire que c'est rare, gros. Accro à la musique, et ça depuis que je suis né. Dépêchez-vous de faire un feat, la gloire me pend au bout du nez. Les frères, c'est la révolution, bouchez-vous les oreilles. Ça arrive tellement hardcore, on risque de se faire de l'oseille. Depuis petit, c'est la misère, alors l'instru, je m'en occupe. C'est comme ça, pas autrement, moi je roulerai en recul. Qu'est-ce que tu croyais? J'suis encore là, toujours pas défaillant. La rue, j'parle toujours d'elle, car elle côtoie que défaillant. Vu que le rap, c'est ma passion, j'me dois de faire des sons terribles. Rappeur indépendant, interdit que notre son périme. 16 mesures pour tout niquer, j'vais te montrer c'est quoi la rime. J'suis solo depuis tout ce temps, j'vais pas rentrer dans la marine. We like the sun is hidden and we find that is not fun. Le soleil s'est caché, il reste que les nuages. J'arrive déterminé avec Broly qu'on a la rage. We like the sun is hidden and we find that is not fun. Le soleil s'est caché, il reste que les nuages. J'arrive déterminé avec Broly qu'on a la rage. Les espoirs nous envahissent et plus rien nous fait envie. Alors on traîne souvent des QN au centre-ville. Si avec toi, la vie est une chaîne, ramène-toi. Il vient montrer que t'as la haine. À ce jour, c'est vrai, j'ai atteint la majorité. J'aimerais avoir accès au bonheur, mais est-ce que je l'ai mérité? Je me prends pas la tête, je me dis que ça ira mieux demain. J'en ai marre des histoires d'amour sans lendemain. Des fois, je regarde autour de moi, je me dis que la misère s'aggrave. Pour arrondir les fins de mois en bas des blocs, ça bille grave. Y'a des jeunes sans repère qui passent leur vie à consommer. Voient leur avenir se consumer, voulant atteindre les sommets. C'est le malheur du quotidien que je répercute dans mes écrits. Pour certaines galériennes, tous les jours le ciel est gris. Est-ce que la légalité est synonyme de liberté? Est-ce que c'est ta mentalité de vouloir nous enfermer? We like the sun is hidden and we find that is not fun. Le soleil s'est caché, il reste que les nuages. J'arrive déterminé avec Broly qu'on a la rage. We like the sun is hidden and we find that is not fun. Le soleil s'est caché, il reste que les nuages. J'arrive déterminé avec Broly qu'on a la rage. Bon, je vais t'expliquer en 8 mesures que je suis présent, tout en stressant. T'écoutes mes sons alors qu'au fond ils sont plaisants. Reste pas dans nos pattes et touche pas à nos affaires. On a beaucoup de choses à dire, des trucs à fuir, des trucs à faire. Broly, c'est mon place, ce qui paraît tu le connais. Une patate dans les gencives si jamais t'as mis ton nez. Les téléphones sont sur écoute car ils veulent tout savoir. Il faut qu'on trouve un projet sur lequel on peut s'asseoir. C'est le vécu, c'est le vécu qui nous a tous forgés. Je reprends ma respiration et je bois une gorgée. Marseille 13-0-13, viens pas tester, y'a que des vrais, mon son est frais. Cet été, le maxi va arriver. Un featuring avec Broly en exclusivité. Des phases de tueurs, défie les lois de la gravité. On a chacun nos trajectoires, nos reflets dans le miroir. Défend la cause de l'Arménie, mais t'as du mal à y croire. We like the sun is hidden and we find that is not fun. Le soleil s'est caché, il reste que les nuages. J'arrive déterminé avec Broly qu'on a la rage. We like the sun is hidden and we find that is not fun. Le soleil s'est caché, il reste que les nuages. J'arrive déterminé avec Broly qu'on a la rage. Le soleil s'est caché, il reste que les nuages. J'arrive déterminé avec Broly qu'on a la rage.